Ah, bonjour à tous, Jean-Robin, journaliste. Donc, petite vidéo rapide sur Fabrice Divisio, maître, qui vient de se retirer. Donc ça, c'est... J'en rigole parce que malheureusement, c'est triste. Il a mené beaucoup de gens en bateau. Là, je ne vais pas revenir sur les aspects financiers, parce que évidemment, ça ne me regarde pas. Moi, je n'ai pas financé son cabinet. Évidemment, quand il le demandait pour faire des plaintes ou je sais pas quoi, qui n'avait ni queue ni tête, c'était évident. Et aujourd'hui, il part, il se retire, comme il dit, comme Fouché. Voilà. Fouché, c'était la veille de l'annonce ou le lendemain de l'annonce de la vaccination obligatoire pour les soignants. En fait, je vais prendre le verre, j'ai besoin d'air. Et puis, Divisio, c'est la veille donc de la mise en application de cette obligation vaccinale pour les soignants, alors qu'il s'était mis en avant considérablement, prétendant lutter pour les soignants. Et donc ici en Polynésie, vous avez par exemple, comme on a l'obligation vaccinale aussi, mais nous c'est au 23 octobre, eh bien vous avez des gens qui avaient fait confiance à Maître Divisio et qui lui avaient donné beaucoup d'argent, voilà, pour qu'il s'occupe d'eux. Eh ben non, Maître Divisio, il est parti. Donc ceux qui rigolaient bien quand ils voyaient ma vidéo sur l'opposition contrôlée, rigolent peut-être un peu moins, mais qui sait? Ils comprennent pas. Alors Maître Divisio nous dit dans un tweet hier, je retournerai faire ce que j'aime plus que tout. Ah, plus que tout, c'est pas s'occuper des Français, c'est s'occuper de sa fille et de ses chevaux. Voilà. Comme ça, au moins vous êtes fixés, les gars. Dans quelques semaines, je céderai mes parts détenues dans mon cabinet. Donc j'imagine après avoir fait pas mal de profits. Donc là, franchement, il se fait incendier évidemment dans les commentaires, et c'est normal. J'imagine que les gens qui l'ont payé là l'ont assez mauvaise, parce que franchement, on peut difficilement faire pire. Et donc, il s'excuse aussi là, il est passé chez Morandini, il s'excuse d'avoir hystérisé le débat, alors qu'il le reprochait à tout un tas d'intervenants d'être hystérique, etc., sans se rendre compte que lui-même l'était à un point tel que ça a beaucoup plu à Cyril Hanouna, l'hystérique en chef dans ce pays. C'est pour ça qu'il l'invitait tant et plus. Donc là, il a enfin compris qu'il faisait le jeu de l'adversaire, en venant sur les plateaux en hurlant avec tous ces débiles. Donc ça aussi, ça ne trompait pas. Tous ceux qui vont sur le plateau d'Hanouna ne font pas partie de la résistance. Je vous le dis tout de suite. Et donc, les masques continuent de tomber. Donc ça, c'est l'intérêt, si vous voulez. C'est avec le temps va, tout s'en va. Et donc, les collabos, les oppositions contrôlées se révèlent. Donc, il faut le prendre avec sérénité et regarder qui l'avait prédit, hein. Voilà. Et donc, Raoult, je l'ai dit bien avant tout le monde. D'ailleurs, Divisio était son avocat. Donc là, on pouvait franchement le deviner. Et donc, les gens sont naïfs et dès qu'ils voient quelqu'un qui émerge un peu, ils se disent, ah, ça y est. Voilà. Mais ça sera la même chose avec Juvin Brunet, que j'ai détecté très tôt aussi, et qui est mis en avant aujourd'hui par Richard Boutry, que j'ai détecté très tôt également. Donc voilà. Et vous savez, je fais pas ça depuis hier. Déjà, j'ai été le premier dans les sphères soraliennes à avoir dénoncé Soral. Vous voyez? C'était en 2009. Donc Soral, depuis, il est planqué en Suisse. Voilà. Après avoir versé, je sais pas combien de dizaines ou de centaines de milliers d'euros aux associations qui lui ont intenté des procès, et qui les ont gagnés le plus souvent. Donc tous ceux qui ont financé Soral ont financé l'oligarchie, tout comme Riposte Laïque, sur lequel je viens de faire une vidéo, je vous y renvoie. Donc tous ces guignols-là, moi je les connais, je les ai bien démasqués, et ça remonte même, si vous voulez, à Boris Lelay, chez les ultra-racistes, là, qui s'étaient barrés au Japon pour échapper à la justice. Vous avez Conversano, qui était parti aussi, ce qui me reprochait à moi d'être parti, alors que moi je suis toujours en France. C'est lui qui est parti après ça, en Roumanie, je crois, pour monter sa communauté de blancs qu'il n'arrivait pas à monter en France. Donc, voilà, je connais tous ces loustics qui essayent de faire un petit billet au passage, et qui ne résistent pas, et c'est bien parce qu'ils perdent toute légitimité, toute crédibilité, mais après avoir fait du dégât. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'était pour faire perdre du temps, de l'argent et de l'énergie aux gens trop naïfs ou trop crédules. Et j'espère qu'au moins les gens montent en compétence, parce qu'il faut tirer des leçons de tout ça, et qu'ils reconnaîtront que j'avais été un des seuls à le dire, hein, sur Divisio par exemple, mais comme sur Raoult, comme sur Juvin Brunet, etc. D'accord ? Donc ça c'est important, quand on a des gens qui se mouillent publiquement, comme c'est mon cas depuis 16 ans, de voir quel est leur bilan. Et chacun peut le voir, le mien. Moi, j'ai toujours lutté contre l'oligarchie. Ma première initiative publique, c'était contre Thierry Ardisson et la télévision publique française, d'accord ? Donc, je n'ai jamais essayé de passer dans les médias. J'en ai été exclu la plupart du temps, malgré tous mes livres, malgré tous mes efforts pour y passer. Oui, j'y suis passé quand même une fois, ce soir ou jamais, parce que c'est quand même important, en termes de légitimité, de montrer qu'on en est capable. Et je pense que je l'ai bien démontré dans cette émission en 2013, mais je n'ai plus jamais été réinvité depuis, et je n'avais jamais été invité avant dans un média national. Voilà. Sauf une fois sur Europe 1, c'est vrai. Et là, je viens d'être invité deux fois sur Sud Radio. Je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, mais voilà, les médias, c'est un marqueur de l'oligarchie. Plus vous y passez, plus vous êtes de l'oligarchie. Donc ceux qui croient encore aujourd'hui à Philippot, voilà, qu'a aidé Maître Divisio, ceux qui croient encore à Zemmour et qui n'ont pas compris encore que les élections, là aussi, sont un marqueur de l'oligarchie, parce qu'on n'est pas en démocratie. Donc, quand on n'est pas en démocratie, pourquoi aller à des élections ? Il faut réfléchir un peu. Donc, voilà. Moi, j'ai dit tout ça, j'ai des critères clairs, c'est pas contre les gens. Moi, j'aime bien Maître Divisio, j'ai rien contre lui, mais il a mené les Français dans le mur. Donc ça, moi, je défends mon peuple. Voilà. Et donc, il faut que le peuple comprenne qui sont ceux qui les défendent et qui sont ceux qui lui nuisent. Et une fois que tout cela est plus clair, eh bien, c'est normal, il y a une légitimité qui se crée et une légitimité qui se perd de l'autre côté. Donc là, Maître Divisio a perdu toute crédibilité, tout comme le docteur Fouché avait perdu toute crédibilité. Qu'on aime ou pas le docteur Fouché, c'est pas la question. Il est parti, il a quitté le navire, et en plus, il a fait des appels au sabotage, des trucs illégaux, comme souvent l'extrême-gauche. Donc ça, c'est inacceptable, irresponsable. Il l'a fait sur Radio Courtoisie, en plus. Voilà. Franchement, c'est hallucinant. Donc, il se passe beaucoup de choses en ce moment dans notre pays. Tout s'accélère parce que là on est le 15 septembre et j'en profite pour vraiment soutenir de tout mon cœur les soignants, les pompiers, etc. qui sont soumis à cette obligation vaccinale. Bravo aux courageux qui ont résisté et qui ne se sont pas fait, qui ne sont pas rentrés dans le système, mais ce sont des sacrifices qui sont très durs, parce que c'est ça le principe d'un sacrifice, mais vous ne le regretterez pas à moyen et long terme. Voilà, c'est ce qu'il faut vous dire. Déjà, à court terme, vous pouvez vous regarder dans la glace, et à moyen et long terme, vous êtes les résistants dont la France a besoin. D'accord ? Parce que là, le système fait le ménage. Le but de cette obligation vaccinale, c'est notamment de trier entre les gens qui peuvent se soumettre pour X raisons, et il y a aussi des futurs résistants dans ceux qui se sont soumis, attention. Mais certains estiment que ce n'est pas le bon moment ou qu'ils ne peuvent pas se retrouver sous les ponts. Et donc il y a des gens vaccinés parmi les gens qui me soutiennent. Donc je les respecte et certains participent même à l'opération PCC Dégage. Vous voyez ? Donc pour être de la résistance, il ne faut pas être non vacciné, évidemment. Vous pouvez très bien être vacciné et y participer. Mais là, en tant que soignant ou pompier ou autre qui étiez soumis, si vous avez résisté, franchement, bravo. Voilà. Et déjà, vous pensez à vous. Donc, c'est quand même la moindre des choses. Parce qu'il vous pousse là, vraiment, à l'extrême. Donc, tenez bon. Tout ça s'organise, tout ça s'accélère. Ici, en Polynésie, tout ça, quand on me dit « Oh, toi, t'es parti à 17 000 km. » Oui, mais je suis toujours en France, les amis, et je suis sous la loi française qui, là, va plus loin. La loi, ici, va plus loin qu'en métropole. Donc, moi, je serais obligé de fermer mon commerce le 23 octobre, en théorie, bien sûr, si je ne suis pas vacciné, et je ne le serai pas. Voilà, moi, je fais aussi des sacrifices, c'est normal. Si je veux incarner, justement, cette parole, si je veux incarner le non, parce que là, tous ceux qui ont refusé la vaccination incarnent le non. Donc bravo à vous, c'était ça que faisaient les résistants en 40, ils prenaient des risques, ils risquaient leur vie, d'accord ? Donc là, vous avez pris des risques, c'est là où on voit vraiment la valeur d'un homme ou d'une femme, c'est qu'elle est capable de mettre des actions en accord avec des principes. Donc bravo à vous, Maintenant, il faut oublier le phénomène Divisio, mais attention, il reste encore plein de guignols comme lui qui emmènent les gens dans l'impasse de l'élection, des médias, etc. Ça s'appelle, vous avez Philippot, vous avez Zemmour. Regardez mes vidéos sur l'opposition contrôlée, vous allez en découvrir plein, et les raisons pour lesquelles il ne faut pas leur faire confiance, parce que ça sera comme pour Divisio. Voilà. Donc, l'espoir, c'est intéressant, mais les faux espoirs, non, vous voyez, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Donc il faut aller directement à ceux qui ont eu raison depuis le début, à savoir, par exemple Jean Robin, celui qui vous parle. Moi je parle de cette attaque biologique depuis le 2 avril 2020 qui va déclencher la Troisième Guerre mondiale par la Chine communiste et qui nous emmènera dans tout ce processus dictatorial communiste qu'on est en train de voir. Donc ça je l'ai annoncé et je dis que ça sera bien pire et que ça a été théorisé ainsi par la Chine, dans son livre « La guerre hors limite », qu'un seul événement, avec la surprise, je n'ai plus tous les événements, tous les éléments en tête du livre, mais la surprise, tout ce qui s'est passé, en fait, était prévu, dans le fond comme sur la forme, dans ce livre, et dans différentes déclarations, par exemple, du ministre de la Défense chinoise en 2001, et ont été vérifiés dans les faits en 2015, etc. Ce qui me fait un peu rigoler, c'est que vous avez après des gens comme Campagnol, voilà un autre masque qui tombe, qui, après avoir de temps en temps critiqué la Chine communiste et dire que tout venait de là, vient de se fendre d'un tweet, je vous lis, « Depuis un an, nous avons affaire à une opération planifiée par les Américains, ah bon, qui ont distribué un véritable kit mental à tous leurs vassaux. Les plus cons l'appliquent à la lettre, Australie, les autres avec plus de finesse, Suisse, mais c'est la même ingénierie sociale. » Voilà. Donc là, Campagnol, qui passe maintenant chez Boutry, donc ça, ça trompe pas, ne parle plus de la Chine. Il se fait démonter dans les commentaires pour ça, d'ailleurs. Il se fait aussi applaudir par tous les anti-américains primaires à qui ça va très bien. Mais même les anti-américains lui disent « Mais attendez, il y a quand même la Chine dans l'histoire. Ils sont pas tout seuls. Et puis c'est pas les Américains. Déjà, c'est l'état profond américain, ce qui n'est pas la même chose. » Donc là, on a affaire à un déni de réalité. Ça vient de Chine. C'est le modèle chinois qu'on nous impose. C'est la Chine qui est attaquée biologiquement et qui en tire la plupart des avantages, mais ce serait une opération planifiée par les Américains, soyons sérieux. Et je vous rappelle que Divisio disait « Moi, la Chine, ça m'intéresse pas, on sait pas ce qui s'y passe, donc j'ai pas de temps à perdre. » Vous voyez ? Donc à chaque fois, ceux qui minimisent la responsabilité de la Chine, voire qui la nient, la Chine communiste dans cette histoire, ne sont pas de la résistance. C'est tout simple. Et moi, je suis en train de rassembler, et c'est en train de prendre de l'ampleur, tous ceux qui désignent la Chine communiste comme ennemi extérieur, qui nous a déclaré la guerre, et le marxiste comme ennemi intérieur, parce que l'oligarchie est marxiste, et qu'elle est infiltrée au plus haut point par cette Chine communiste. Voilà. Je m'arrête là. Merci pour votre attention. Tenez bon. Ce n'est que le début. Là, on est parti dans un marathon. Et donc, vous avez les sprinteurs, comme Divisio, comme Fouché et les autres, qui se sont essoufflés. Et donc, je ne parle même pas de Raoult. Donc lui, il est démasqué, mais voilà, il ne faut plus faire confiance à ce gars-là, franchement, il va continuer de nuire, lui, parce qu'il est encore là pour au moins un an à l'IHU, et puis après, il continuera de parler, évidemment, dans tous les médias sociaux où il peut s'exprimer, parce qu'il a un ego surdimensionné, hein, ce qui n'est pas un problème, enfin, quand on s'en sert pour nuire à la France, c'est un problème. Et lui, il roule pour l'oligarchie, hein, je l'ai bien démontré, donc regardez mes vidéos publiques sur Raoult, sur Divisio, sur tous ceux que j'ai démasqués dans l'opposition contrôlée. Tenez bon parce que c'est un marathon, et on va finir par gagner parce que c'est une guerre mondiale et qu'on n'est pas seul, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation que nous, un peu partout dans le monde, et que ça, c'est notre chance. Il faut juste qu'on comprenne qui est l'ennemi, à savoir la Chine communiste et ses alliés, évidemment, de l'État profond américain, et l'islam, d'accord, contre les musulmans, souvent, Ouïghours, par exemple. Donc ça, il faut bien qu'on comprenne. Et une fois qu'on désigne l'ennemi, eh bien, on aura les bons alliés et les bons ennemis, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on ne se trompera pas de cible et qu'on ne marquera pas des buts contre notre camp. Voilà. Merci pour votre attention. Gardez la foi. Vive le Christ Sauveur et la Nouvelle France libre.